On va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant d'un exploit exceptionnel que le trio des Veilleux ont fait cette semaine. D'abord, William Veilleux, le champion du monde, ainsi que son père Harold et le grand-père Germain. Donc, William Veilleux qui a remporté en fin de semaine toutes les épreuves, a battu tous les records en dynamophilie. Il a levé d'abord 225 kg squat, 135 au bench express et 257 livres et demi au deadlift. William, qui a terminé sa carrière dans le groupe junior, il a terminé en battant tous les records chez les moins de 66 kg, 74 kg et 83 kg. Son père, Harold, tant qu'à lui, terminé avec des charges de 682 kg au total, soit 262 kg au total au squat, 160 au bench express et 260 au deadlift. Grâce à ses titres, Harold Veilleux est considéré comme le meilleur dans la catégorie Master 2 au Québec. Et le père d'Harold et le grand-père de William, Germain Veilleux, a réussi 3 records canadiens chez les Master 4, soit 77 ans et plus, 92,5 kg au squat et 115 kg au deadlift. Son total est de 272,5 kg, soit 600 livres au total. On devrait parler avec Harold Veilleux au cours des prochains jours pour nous faire un compte-rendu de ce qui s'est passé. Maintenant, patinage de vitesse également en fin de semaine, c'était la deuxième tranche du circuit provincial secteur S à Lévis. Groupe Z, Olivier Collard de Saint-Félicien a terminé en sixième place dans le groupe 2 masculin. Et dans le groupe 4 masculin, Nicolas Tremblay de Saint-Félicien, 11e place, et Jean-Christophe Tremblay a terminé en 22e position. On a fait le bilan de la saison des Genois d'Allemagne au football, une saison quand même assez difficile chez les Genois d'Allemagne cette année. En entrevue sur les ondes de DernadioSport.com, hier, l'instructeur-chef Jean-Philippe Caron-Tremblay a mentionné effectivement que c'était difficile en raison d'autant plus du manque de profondeur de l'équipe. La profondeur, là, ça reste un point clé là, pour avoir une bonne saison. J'ai commencé avec 35 joueurs. Ensuite de ça, là, j'ai perdu quelques joueurs là, avant le début de la saison. On est tombé à 32. J'ai eu plusieurs blessés cette année, là, dont 7 défensivement. Là, donc c'est sûr que ça n'a pas aidé, là, disons. Là. Et dans un deuxième temps, Philippe Caron-Tremblay a mentionné qu'il va tenter de gagner un championnat d'ici 3 ans à Alma. Bon, ben, c'est sûr que c'est pas la même situation, là, mais nous, on va viser sur à moyen terme. Là. C'est sûr que moi, d'ici 2 ou 3 ans, là, je veux une équipe championne. Puis c'est ce que je veux. Je veux vendre aux jeunes aussi. Puis c'est ce que je pense aussi dans le fond de moi-même. C'est sûr qu'il y a une grosse reconstruction à faire. Puis moi, j'arrive avec des nouvelles valeurs, des nouvelles manières de travailler, nouveaux systèmes. Donc c'est sûr que ça a été un peu difficile. Là. Même pour les vétérans, je dirais. Là. Je suis arrivé avec quelque chose d'assez différent de qu'est-ce qui se faisait. C'est sûr qu'au niveau de tout ce qui est talentueux, le football, je pense que c'est beaucoup amélioré là, au niveau des infrastructures, au niveau de la mentalité d'entraînement, la mentalité de travail. Donc, je crois avoir peut-être entre 17 et 20 vétérans l'an prochain. Donc, déjà là, c'est une bonne base. Des gars qui vont être déjà dans le système. Puis, je pense avoir un recrutement assez bien. Là. C'est sûr que ça reste à voir, mais je vais travailler très fort. Disons, je vais aller voir beaucoup, beaucoup d'écoles. Ces derniers temps, il se sent bien appuyé par le collège. Bon, ils m'ont bien épaulé cette année. Quand j'arrive avec des projets, il n'y a aucun problème. Ils sont toujours partants. Donc, la direction de l'école est avec moi. J'ai pas à parler contre ça. Là. Tout le monde travaille du même côté. Puis, je pense que tout le monde va avoir une bonne équipe. Puis, l'équipe de football des Genois, ben, elle a une histoire. Puis ça fait longtemps qu'elle est là. Puis, je pense qu'ils veulent surtout. Transaction chez les Marquis de Jonquière. Alex Bourret a été échangé des Draveurs de Trois-Rivières aux Marquis de Jonquière. Cédant en retour un autre joueur qui n'a pas joué que dans la Ligue nord-américaine cette année, c'est le défenseur Pierre-Luc O'Brien. Donc, Bourret, qui est un choix premier rang des Trashers, a déjà porté les couleurs des Marquis. En 2015-2016, il a marqué 2 buts et récolté 17 passes pour 19 points. Et Cédric Desjardins a obtenu la 3e étoile de la semaine dans la Ligue nord-américaine. Il a obtenu son premier jeu blanc de la saison contre Trois-Rivières. Il a également bien fait contre Rivière-du-Loup. Je vous invite à écouter la section entrevue de DanRadioSport.com. Hier, je me suis entretenu d'abord avec Marc Ramsey, l'entraîneur de Arthur Beterbiev. On sait que Beterbiev a remporté le championnat du monde en fin de semaine de boxe. Également, je me suis entretenu aussi avec Jean-Philippe Caron-Tremblay. On a parlé des Genois d'Allemagne au football et Gino Gagnon et la chronique du MJR Express de Jonquière. Le sport local et régional à DanRadioSport.com. On s'en occupe.